Il est clair que les années 2020 rendent souvent hommage aux 70s grâce à des groupes notamment comme Children of the Sun ou encore Big Sid qu'on aime beaucoup dans Pop and Rock. Mais souvent on dit que l'original est mieux que la copie. Pour le coup, je ne valide pas cette maxime, même si The Reaper de Blue Oyster Cult, qui vient d'ouvrir notre 245e Pop and Rock, était largement au niveau comme le I'd Love to Change the World de 10 Years After. Tax the rich, feed the poor, tell there are no rich no more. I'd love to change the world, but I don't know what to do. So I keeps on breeding, nation bleeding, still more feeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. Ouais, 1971, je crois bien que c'est l'année de sortie de ce titre sublime de 10 Years After. Les années 70 seront aussi la naissance, mais surtout le cercueil d'un groupe qu'on appelle les Doors. Squirming like a toad. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with apparu également dans les années 70, mais avec une carrière qui durera bien plus longtemps que les Doors, il y avait Fleetwood Mac. Thank you. Même si on est tranquille dans les 70s du 20e siècle, je vous propose une petite bouffée d'air du 21e siècle avec Alex Mas. Thank you.

my back. Telling what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't make. Et parmi les groupes nés dans les 70s, certains ne seraient pas si décalés que ça aujourd'hui, et ce à tel point que perso, j'imaginais Cheap Trick frère de sang des genoux de Children of the Sun, alors que pas du tout, ils seraient plutôt leurs parents, voire leurs grands-parents. Sound. Là, on était donc en 2023 avec le dernier titre de Children of the Sun. Vous avez aimé ? Foncez, vous aimerez tous leurs autres titres. Des genoux au cuir épais, c'était donc Children of the Sun qui introduit à présent les 80s. We'll be right back. Et là, on fonce déjà à la fin des années 80 pour retrouver le meilleur des covers de Born to Run, ouais, le titre de Springsteen. Je ne vous dis pas le nom du groupe qui reprend ce titre, restez avec nous, je vous dis juste après. C'est bien le boss qui invente le Born to Run en 1975. Je crois que c'est en 1984 que les Frankie Goes to Hollywood le recopient, le réinventent. Mais là, je sens que vous voulez l'original. Allez! Glory, suicide machines spawn from Bon, je crois qu'en regardant ma playlist et regardant l'heure qui tourne, je pense qu'on va devoir sabrer dans notre programmation. Je vais virer Foreigner, le second titre du soir que j'avais prévu. On va squeezer Graham Parker pour retrouver un titre très psychédélique qui dure 17 minutes. Ouais, ouais, 17 minutes. Alors rassurez-vous, on n'aura pas le temps de l'écouter en entier. Ce titre, ça s'appelle Inagada La Vida. C'est chanté par Iron Butterfly. C'est très, très psychédélique. J'adore. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis rendez-vous, même heure, même adresse. Et surtout, une bise à tous. You know that I'm loving you. In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me and take my hand. Oh, won't you come with me and walk this land. In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true?